Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG avec aujourd'hui au programme le 6e épisode de notre série spéciale consacrée au festival Les Courants BD de Saint-Ouen-les-Vignes. Retour donc au 5 et 6 juillet 2025. Toujours aux côtés de la ribambule avec notre complice Nicolas Vado, nous poursuivons donc nos rencontres avec les auteurs qui ont marqué cette belle édition. Et aujourd'hui, zoom sur Fred Quaco, un auteur au style reconnaissable, connu notamment pour ses œuvres dans l'univers de l'humour et de l'aventure. Entre coups de crayon affûtés et anecdotes, Fred nous parle de son travail, de ses influences et de sa passion pour le 9e art. Merci à Fred Quaco pour ce moment de partage à la cool et passionnée qu'on écoute sans plus tarder. Et voilà, tout est dit dans le jingle. Nous sommes toujours sur le festival Les Courants BD, 18e du nom, sur l'île de Saint-Ouen-les-Vignes. Et passe au micro les uns après les autres, beaucoup d'auteurs qu'on avait envie de connaître et avec lesquels on avait envie d'échanger de près. Nous sommes à présent avec Fred Quaco. Bonjour Fred. Enchanté. Bonjour à tout le monde. Alors là, on va rencontrer un auteur qui est qui fait de la bande dessinée d'humour. Voilà. Donc le premier album de Fred, si je ne me trompe pas, c'est 2005 et depuis sa bibliographie, elle a explosé. Oui, là. 2005. J'ai un peu Alzheimer là-dessus au niveau des dates, mais et vous avez quelle référence au niveau de la première BD ? Je ne l'ai pas, j'ai pas le premier titre en tête, mais j'avais fait une petite recherche et j'avais vu que le premier titre était 2005. Ah d'accord. Et j'ai vu la liste qui était assez impressionnante. D'ailleurs, on a pas mal d'albums qui mettent en scène des personnalités. Alors Balkany, Stéphane Plaza, les Chevaliers du Fiel, voilà, et une adaptation de film avec Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, c'est là que ça a commencé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de personnages de célébrités justement juste après, parce que j'ai commencé par Bienvenue chez les Ch'tis, par la BD la plus populaire que j'ai faite, et à la suite de ça, m'a proposé énormément de BD similaires. C'était en fait l'album qui vous a mis le pied à l'étrier. Ah, complètement. J'ai pas eu besoin de faire de books, et ça m'a servi pour toute la suite de mes projets. Tous les projets qui ont suivi ont découlé de là. D'accord. Et donc, du coup, votre style, il est carrément adapté, enfin il est fait pour l'humour, c'est vraiment votre credo quoi. Oui, j'ai essayé de faire un peu entre guillemets du réalisme, mais c'était pas du tout pour moi. J'avais l'impression de m'ennuyer quoi, qu'il fallait quelque chose de drôle quoi, à raconter. D'accord. Et justement, en parlant de BD d'humour, vous faites la série des Baudins. Oui. Voilà. Donc tu dis les Baudins, toi. Les Baudins, ou je sais. Il dit comment Fred lui? Ça dépend, on dit un Baudin et des Baudins. On peut dire rien. Et du coup, le tome 2, il est sorti au mois de mai. Tout à fait, il est sorti le 28 mai. C'est une BD que j'ai réalisée assez rapidement, d'ailleurs en 4 mois et demi, scénario compris. C'est un peu de ma faute, j'avoue, parce que j'ai voulu absolument mettre le Tour de France comme thème principal. Le Tour de France démarre au mois de juillet, il fallait absolument que je termine. Alors, ouais. Alors moi, j'ai noté quelque chose d'assez paradoxal. Ah. Quel joli mot. Les Baudins, réalisé par Fred Quaco, mais la série La Fine Équipe, scénarisée par Jean-Christian Fraissinet, qui est un membre des Baudins. Eh oui. Oui. Alors, c'est le fils. La différence, c'est que les Baudins, je fais tout seul en amont. Après, je fais valider le scénario par les Baudins. La Fine Équipe, on a fait. Je participe beaucoup au scénario. Et Jean-Christian a beaucoup travaillé aussi. On a beaucoup travaillé ensemble pour mettre en place l'histoire. Là, ce ne sont pas des gags, c'est une histoire complète, comme vous avez pu le lire. Ça fait qu'on a travaillé ensemble sur le thème, sur ce qu'on voulait raconter. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il soit sur la couverture. D'accord. Et comment alors vous êtes arrivé à faire les Baudins, sur ce projet-là? C'était le hasard. Moi, j'ai découvert le Baudins en 2011. Ça fait il y a quelques années, et tout de suite j'ai vu la transposition en personnage de BD. Physiquement, il y avait tout à faire, quoi. Il n'y avait même pas besoin de forcer, quoi. La grand-mère, le fils, tout était caricatural. Et j'ai attendu plusieurs années, parce que j'avais des projets, quoi. J'étais pas libre. Et ça a été en 2020-2021, j'ai dit, j'ai proposé le projet à une maison d'édition. Et les Baudins avaient déjà refusé plusieurs propositions d'autres éditeurs. La raison, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de s'impliquer dedans. Alors, finalement, c'est arrivé au bon moment alors. C'est arrivé au bon moment, on peut le dire. J'ai fait une page moi pour le plaisir, ouais. Pour leur montrer. Et comme ils avaient dit non aussi à ma demande, j'ai envoyé la page comme cadeau quoi. Et quand ils ont vu ce que j'avais réalisé, ils ont voulu me rencontrer. Et là, tout a matché. Et alors du coup, nous, Vincent Dubois, c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup hein, localement, puisqu'évidemment, il est pas loin. On le voit notamment au théâtre dans la nuit, parce que Vincent, il a aussi une vie de musicien. Avec un duo musical avec Didier Buisson, hein, qu'on connaît bien sur Radioactive. Et alors, c'est comment le contact avec des personnages comme ça, qui sont quand même hyper, hyper connus. Alors, toi aussi, Fred, mais... Oh, non, non, non. mais quand je rentre chez moi, je monte mes papiers. Hein. Non, non, mais... Est-ce qu'ils sont sympas, accessibles ils sont, et... ils sont hyper accessibles. Ouais. Mais c'est vrai que je connais beaucoup plus Jean-Christian que Vincent, comme ouais. J'ai travaillé sur deux BD avec lui, deux autres BD, La Fine Équipe. Je connais plus, mais ils sont très abordables. Et surtout, ils sont très partageurs de leur succès. Excusez-moi. Mmh. Ils partagent, quoi. Ça fait que moi, la bande dessinée, tout ça, ils la mettent en avant sans que je leur demande, quoi. Ils sont vraiment à fond derrière ce que je fais. Pas que moi, les projets aussi sur d'autres thèmes, quoi. Ils sont vraiment partageurs de ça. On aurait adoré que Vincent et Jean-Christian viennent nous voir aujourd'hui sur ce site, s'ils écoutent Radioactive. Bah venez nous trouver, là. Bah vous êtes au courant en ce moment qu'ils sont en plein spectacle. Oui, mais bon, on trouve du temps. Bah, ça doit être faisable. Ça dépend où ils se trouvent, d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant d'origine géographique, Fred, t'es originaire de Nantes. Complètement. Je suis ouais. Un vrai petit Nantais. Hein. Et toujours actuellement ? Je suis à 10 km de Nantes. J'ai pas fait beaucoup d'efforts, oui. Ok. Oui. Et toi qui bosses dans la culture et qui est donc de Nantes, oui. Voilà, tu me vois venir avec mes gros sabots. Les coupes budgétaires en Loire-Atlantique, là, au niveau de la culture. Faut attendre un peu, ça risque de changer un peu, mais bon, changer de maire. Mais c'est oui, c'est tout, toute la culture en part en ce moment. Quoi, c'est assez dramatique, la restriction. Ce qui se passe. Ah, bah, oui, mais c'est horrible. Quoi, ça fait peur, vraiment, ça fait vraiment peur, quoi. Comment imposer la culture, comment avancer, surtout dans tous les projets musicaux, enfin tout. Il n'y a pas que la BD, bien sûr, un Nantes énorme, tout ce qu'il y a. Ah ouais. Bah c'est très très. Bah puis c'est une population très jeune aussi. Enfin Nantes, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup. C'est un lieu qui vit énormément culturellement. Il se passe toujours des trucs. Il y a énormément de sites, oui, pour les artistes et toutes générations, toutes sortes aussi d'œuvres. Oui, c'est vrai que ça vit, mais bon, ça fait peur. C'est ce qui peut arriver derrière. Il ne faut pas y penser trop parce que sinon on ne fait plus rien. Quoi. C'est sûr. Bah c'est bien, c'était très joyeux comme conversation. Moi c'est pour trancher avec l'humour. Moi qui fais l'humour, c'est très bien. Ouais. On parlait de deuil avec Étienne Bonnet juste avant. Alors voilà, on essaie de mettre un peu de... Et alors la suite ? On peut espérer un tome 3 des Baudins, un tome 3 de La Fine Équipe tome 3 de La Fine Équipe, il y a des grandes chances, ouais, on a déjà l'idée. Tome 3 des Baudins, le deuxième vient juste de sortir. Ça a un peu... C'est le temps ça encore un peu juste, ouais. J'aime bien aussi profiter de ce que j'ai fait. Là, en ce moment, je profite pleinement de... Et varier les plaisirs. Complètement. Ah bah oui. Oui, faire d'autres projets. Il n'y a pas que les Baudins. J'ai d'autres envies, quoi. Et pas que dans la bande dessinée. Bah, on va en savoir plus. Oui. Bah, dès que je rentre lundi, j'ai un carreau à changer à la maison. Et c'est vrai, et ma pelouse à tondre. C'est important. Il faut que ça se passe. Voilà, nourrir les animaux, il y a plein de choses. Non, mais j'adore aussi faire de la mécanique. Avec des amis, on répare les deux chevaux, tout ça. C'est d'autres passions. Est-ce qu'ils sont arrivés, les deux chevaux, les gens? Elles étaient là ce matin. Enfin, il y en avait une ce matin, mais elle est repartie. Ah! Ah bah là tu vas te régaler. Oui alors. J'ai des pièces à récupérer, merci. Ah super. Et alors ce site justement de ce cadre de verdure à Saint-Ouen-les-Vignes, l'organisation, les bénévoles, l'accueil, est-ce que ça te plaît? Ah bah je suis déjà venu plusieurs fois. Oui. Ça fait que si je reviens c'est pas par hasard, c'est que ouais. Vraiment le site est beau. Quand il fait vraiment du soleil comme ça, c'est dur à tenir sous le soleil, mais c'est vraiment magnifique. La verdure, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir les auteurs et le public. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Hein. Et alors, on demande ça aux autres auteurs aussi, parce que c'est marrant des fois d'avoir les réponses à cette question. Mais côté musique, qu'est-ce que tu écoutes? Il écoute quoi, Fred Coaco, quand il croque ses dessins, quand il est chez lui, quand il tombe sa blouse? Je suis très éclectique dans la musique, mais j'ai un souvenir que quand j'étais gamin, j'ai une tante qui me mettait du Georges Brassens. Mm-hmm. Et je ne supportais pas. Bah, je trouvais ça nul, de la musique, il n'y avait rien, il y avait une voix au tremble de corde. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Ouais. Ça fait, j'écoute des Brassens et à côté, je suis très fan de David Bowie. Mais c'est pas incohérent quelque part. Non. Ah, je trouve qu'il fallait peut-être que ça fasse son chemin, parce que Brassens, on n'est peut-être pas petit. C'est compliqué d'être réceptif à ce genre de texte. Oui. Voilà. Oui, tout ça, Richard Gottener, bien sûr. Moi j'ai eu la chance de le voir il n'y a pas très longtemps. Et alors, du haut de ses 80 et c'est franchement. Chapeau. Ah oui, il chapeau fait des spectacles parlés, maintenant il ne peut plus chanter vraiment, mais c'est fantastique, c'est un petit génie de la poésie humoristique. Et puis avec un musicien qui l'accompagne, qui est juste d'un talent inouï, puisqu'il fait tous les bruitages, enfin, c'est vraiment un très très chouette spectacle qui doit d'ailleurs repasser en fin d'année au Bateau Ivre à Tours. Si vous êtes adepte de Richard Gottener, n'hésitez pas à prendre votre place. Merci pour lui, c'est très bien. Ah bah super. On te trouve où, Fred, sur le site? Oula, il n'y a pas de numéro de box, alors ça fait qu'on me trouve à côté d'autres auteurs. Oui, mais je ne sais pas où je suis dans le... Eh bien, actuellement, chez Radioactive. Voilà. Là, actuellement, et là, je vais partir à mon box. Ouais, parce qu'il y a des gens qui attendent, a priori, aussi. Donc, voilà. Venez, n'hésitez pas à venir faire dédicacer vos ouvrages, à venir découvrir. Il y a énormément de choses. C'est magnifique. Il y a à boire, à manger, de la musique, de la BD, des auteurs qui sont impatients d'échanger avec vous. N'hésitez pas. Ben, merci bien. Merci. C'est facile à repérer. Je suis celui qui a le plus de cheveux. Celui qui ment un tout petit peu aussi. Légèrement. Merci beaucoup, Fred Quacko. Merci à vous.